habitaient le même faubourg, la même rue et la même cour. Il lui lançait des sourires, elle l'aimait sans rien lui dire. Mais un jour qu'un baiser les unit, dans le ciel, elle crut lire comme un espoir infini. Parmi la foule, l'amour se pose sur une âme de 20 ans. Pour elle, tout se métamorphose, tout est couleur de printemps. À Paris, dans le tour de l'air, à Paris, dans chaque amour, à 20 ans, on fait des rêves. Paris, quand le jour se lève, à Paris, dans chaque faubourg, à 20 ans, on fait des rêves, tout est couleur d'amour. Thank you.

écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. On peut donner des leçons de morale quand on fait cette bonne soupe et bon feu. Mais quand on n'a pas fait que peau de balle, on prend son plaisir où on peut. Dans le quartier, on me blague. Je suis un pilier de bistrot. C'est vrai qu'avec les pochards, j'y vague. Chaque fois que j'ai le cœur trop gros, d'autres cherchent des trucs compliqués. Mais comme j'ai horreur du chiquet, moi, c'est au bord du comptoir que je prends tous les soirs mon apéro. Je discute avec le patron, je l'appelle par son petit nom, c'est un bon mot. Comme elle est mal, je lui dis, Arthur, vas-y. Et je te lui joue la tournée aux zindis. Le phono pousse une java, l'ennui doucement s'en va, tout me semble beau. Et je noie mon ennui profond pour une heure tout au fond d'un apéro. Sur mes 16 ans, comme j'étais belle gosse, tous les gars me faisaient du boniment. Alors je me suis mise à faire la noce, c'est venu je ne sais pas comment. Ils me payaient tout sans rien dire, j'avais voiture et hôtel. Mais il me fallait toujours sourire, le cœur barbouillé de pierre. Et je rêvais d'un petit mécano qui ne m'offrirait que des bécots. Alors pour chasser le noir, je buvais dans tous les bars des apéros. Grimpé sur un tabouret, trempé dans mon gobelet, un chalumeau. Et devant l'air fatigué d'aide encore, je me sentais prise par les chasses du chef. Plus que moi riche d'amour, il embrassait chaque jour une dactylo. Et je n'avais pour me consoler mon cœur si désolé que les apéros. Mais les cocktails me tournaient la tête, alors j'ai bientôt plaqué le métier. Alors voilà, bon Dieu, que la vie est bête, revenu dans mon vieux quartier. Là voilà ma petite église, et chez moi rien n'a changé, rien. Rien, sinon mon cœur, cette prison grise, à qui tout reste étranger. Hélas, le bonheur n'a qu'un temps, voyant que l'amour foutait le camp. Je suis revenu au comptoir où l'on me payait le soir des apéros. Je ne crois plus à rien du tout, patron, encore un coup, c'est du costaud. C'est en baissant nu que je revois les cieux, et dans mon verre je pêche des rêves bleus. Affamé par les coups durs, j'ai pas mis la main sur le bon numéro. Et mon cœur vide d'amour n'a plus tendresse que pour les apéros. Pour nous, elle est la plus belle, pourtant ce n'est rien que Thank you. écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz.